إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 52 dans l'explication du résumé de Kitab al-Tawhid du Cheikh Saleh al-Fawzan Hafizahullah. Et on a terminé au cours dernier l'explication du chapitre ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Et qu'est-ce qu'il y a rapport avec ce chapitre? Toutefois, comme j'avais expliqué au dernier cours, à la fin, j'ai mentionné qu'on allait revenir sur le cours et qu'on allait lire le sharh de Cheikh Ahmed al-Najmi. Donc, inshallah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bismillah, on va revenir sur le cours de ce chapitre avec les explications de Cheikh Ahmed al-Najmi pour rajouter quelques petites explications et clarifications et détails aussi, inshallah. Premièrement, avant tout, j'aimerais juste mentionner un point. C'est que au dernier cours, à la fin, on a expliqué la dernière athar qui est mentionnée ou la dernière parole qui est mentionnée dans le chapitre de ce chapitre de Kitab al-Tawhid. Et c'est la parole suivante au sujet du Sabab Nuzul, la raison pour laquelle le verset 60, 61 et 62 dans Surat An-Nisa a été révélé. C'est la parole qui dit وَقِيلَ نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم بعد ذلك ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله. Donc cet athar qui mentionne parmi les choses qui ont été mentionnées au sujet de la cause de la révélation des versets qu'on a mentionnés dans Sourate An-Nisa, c'est à propos de deux hommes qui se sont disputés. Et un des deux ont dit, nous allons amener l'affaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre homme a dit, non, on va retourner à Ka'b ibn al-Ashraf. Et après, ils ont décidé de ramener l'affaire à Omar. Alors, un des deux a mentionné l'histoire à Omar ibn al-Khattab. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a dit à la personne qui n'avait pas été satisfaite du jugement du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou de retourner au messager sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est comme ça? Et l'homme a répondu oui. Alors, il l'a frappé de son épée et il l'a tué. Donc j'aimerais mentionner juste un point, c'est que cette parole ou cette histoire, elle est fabriquée, elle n'est pas authentique du tout, elle n'est pas attribuable du tout au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien aux sahaba, puisque c'est une parole qui est fabriquée. Maudour. Et celui qui veut les détails à ce sujet-là, il peut retourner justement au tahrij de Kitab Tawhid pour vérifier justement à ce sujet. Et parmi les gens qui ont rapporté cette histoire, il y en a qui sont accusés de mensonge et d'autres qui sont yani matrouk. Hein? Donc cette histoire, elle n'est pas authentique et on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas la prendre comme preuve. Donc ça, c'est juste un point que je voulais clarifier juste avant de commencer la lecture des paroles du Cheikh Ahmed al-Najmi. Donc maintenant, on va lire ensemble, Inch'Allah, qu'est-ce que le Cheikh Ahmed al-Najmi a expliqué à propos de ce chapitre. طيب. Donc à partir de la page 252, dans l'explication du char à propos de ce chapitre, le Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit dans son char الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد على page 252 وأن الواجب على المسلمين أن يكون تحاكمهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الفقه الإسلامي المأخوذ منهما بواسطة العلماء المبرزين ولا يجوز العدول عنه بأي صورة من الصور فليتق الله ولاة أمور المسلمين وليعود إلى الحق الذي هو شرع الله عز وجل المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن العودة إليه هي الصلاح وتركه هو الفساد. Donc le Cheikh, il dit que l'obligation pour les musulmans, c'est qu'ils retournent dans leur jugement au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et au fiqh de l'islam, au fiqh islamique qui a été pris de ces deux références et de ces deux sources, c'est-à-dire le fiqh islamique qui est tiré du Coran et de la sunna par l'intermédiaire des ulama qui sont de l'avant-garde, qui sont en avant de la scène islamique. Et il n'est pas permis de se détourner de cela pour une raison quelconque ou pour un point de vue quelconque. Alors que les dirigeants des musulmans et les responsables des musulmans craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils reviennent à la vérité, qui est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et qui est tiré du Coran et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que de revenir à cela, eh bien, c'est la réforme et c'est le bien. Et de l'abandonner, c'est le désordre et la corruption. وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا أي يعرضون ويتولون نافرين عن الحق مشتهين للباطل فإن لله وإن إليه راجعون فكيف إذا أصابتهم مصيبة أي نالتهم عقوبة في النفس أو المال أو الأولاد أو الأهل أو والأولاد بما قدمت أيديهم أي بما سبق لهم من الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحقيقة أن النفور عن شرع الله وكراهته ومحبة غيره من الباطل جريمة عظيمة ومصيبة كبرى بل كفر مخرج من الملة. Donc le Cheikh, il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des hypocrites que lorsqu'on leur dit revenez vers ce que Allah a révélé et vers le messager, tu vois les hypocrites se détourner de toi, hein, et donc, c'est-à-dire qu'ils se détournent et ils s'enfuient de la vérité. Ils tournent le dos et ils s'enfuient de la vérité, désirant le faux, désirant la fausseté. Alors, فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ C'est d'Allah que nous venons et c'est à lui que nous retournons. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ Comment agiront-ils lorsqu'un malheur les atteindra? C'est-à-dire lorsqu'ils seront frappés par un châtiment dans leur personne ou dans leurs biens ou dans leur famille et leurs enfants. Bima qaddamat aydihim, à cause de ce que leurs mains auront préparé, hein, du fait qu'ils se sont détournés du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il dit que la réalité, c'est que de se détourner de la législation d'Allah et de détester ce qu'il a révélé et d'aimer d'autres que ce qu'il a révélé parmi les choses fausses, c'est un des grands crimes et un des grands malheurs. Et en réalité, c'est une forme de kufr qui fait sortir de la religion. Donc d'aimer le faux et de détester la révélation d'Allah, c'est une forme de mécréance qui fait sortir de la religion de l'islam. فَلَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ دِمَاءَ الْكُفَّارِ أَبَاحَ إِزْهَاقَ أَرْوَاحَهُمْ أَبَاحَ إِزْهَاقَ أَرْوَاحِهِمْ وَسَفْكِ دِمَائِهِمْ وَسَبْيِ نِسَائِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ وغنيمة أموالهم كل هذا أبيح وبسبب كفرهم وعدم إيمانهم أفما أبيح هذا كله من أجله أفيكون سهلا الجواب لا ليس بالأمر السهل أي أن تركه ليس بسهل وإن استسهلوه بأهوائهم قال تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا هكذا يقول المنافقون يزعمون أنهم أرادوا إحسانا وتوفيقا ودعاة أنصاف الحلول حالهم قريب من حال أولئك المنافقين. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite le sang des kuffars et il a permis de prendre leurs armes et de faire couler leur sang et de prendre leurs femmes et leurs enfants en esclavage et de prendre leur bien en butin. Tout ça a été permis à cause de leur kuffar, à cause du fait qu'ils n'ont pas eu de foi, qu'ils n'ont pas eu d'iman. Bien entendu, c'est dans le jihad, hein, et dans les conditions du jihad. أَفَمَا أُبِيحَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ أَجْلِهِ. Bien entendu, comme on dit, quand on spécifie tout le temps que c'est dans le djihad, avec les conditions du djihad, avec les dirigeants musulmans, hein, avec les gouverneurs, c'est-à-dire ceux qui dirigent les pays musulmans, derrière l'armée musulmane, lorsque le djihad a été déclaré officiellement par les autorités et les dirigeants des pays musulmans, et non pas par les groupes d'égarés ou d'ignorants parmi les khawarij, hein, qui se permettent de tuer qui ils veulent, hein, et de faire ce qu'ils veulent de façon désordonnée et chaotique pour faire le désordre sur la terre. Donc on ne parle pas de ça, nous. On parle de qu'est-ce qui a été légiféré par la charia et qu'est-ce que Allah a ordonné dans le Coran et dans la sunna en ce qui concerne les règles du djihad selon les conditions. Donc le cheikh il dit tout ça a été permis donc à cause de leur mécréance, à cause du fait qu'ils n'ont pas eu de foi. Et donc cette chose là hein, pour laquelle tout ça a été permis, est-ce qu'on va dire que c'est une chose qui est facile, qui est simple, hein? La réponse non, c'est pas une chose facile, c'est pas une chose simple, c'est-à-dire leur abandon de la vérité. C'est pas une chose facile, même si eux, ils considèrent que c'est quelque chose de facile à cause de leur passion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, comme on a mentionné dans le verset tout à l'heure, comment agiront-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains? Puis, ils viendront près de toi, en jurant par Allah, nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. C'est ainsi que les munafiqoun, les hypocrites, prétendent qu'ils veulent le bien et qu'ils n'ont voulu que la réconciliation, comme les gens qui appellent à la demi-solution. Hein? Leur état est proche de l'état de ces hypocrites. ils disent, ô vous les pratiquants de l'islam, les gens qui font partie des musulmans et de l'islam, descendez, hein, de certains de la, c'est-à-dire descendez dans le sens de d'abandonner certaines parties de la vérité. C'est ce qu'ils disent. Le cheikh dit: حالهم قريب من حال أولئك المنافقين تنازلوا أنتم يا أهل الإسلام عن بعض الحق الذي معكم ويتنازل لكم أعداء الإسلام عن بعض ما يريدون ليتم الوئام وتجتمع الكلمة هذا هو الإحسان الذي أرادوه هذا وهذا ليس بإحسان إنما هو إفساد في نفس الأمر وكذلك ما يزعم بعض الناس من دعوة التقارب أو التقريب الآن بين الرافضة وأهل السنة. Donc le cheikh il explique, ils disent, ces gens-là qui ont le discours aujourd'hui qui est semblable à celui des munafiqin de l'époque, ils disent laissez tomber certaines des choses qui sont vraies dans l'islam, hein, certaines des vérités que vous possédez, laissez-les tomber, hein, faites des compromis, hein, transigez. Et si vous acceptez de laisser tomber certains principes de l'islam qui sont véridiques, les ennemis de l'islam par la suite vont également laisser certaines des choses qu'ils veulent également eux aussi, pour que par la suite il y ait l'accord et la paix et que notre parole soit unie. Et ça c'est, hein, comme on a mentionné dans le verset tout à l'heure, ça c'est ce qu'ils considèrent comme étant le bien, hein. C'est ce qu'ils considèrent comme étant le bien de dire aux musulmans faites des compromis. Et les koufars ont fait des compromis eux aussi pour vous, hein, et laissez tomber la vérité, et eux ils vont arrêter aussi de faire certaines des choses qu'ils veulent faire. Le cheikh il dit ça c'est pas du bien, ça c'est seulement du désordre et de la corruption, hein. Et en réalité c'est exactement ça, c'est un peu comme ce que certaines d'entre ces personnes aujourd'hui prétendent quand ils appellent au rapprochement, hein, au dialogue, au rapprochement, comme ils veulent faire maintenant entre les Rafida et les gens de Ahl al-Sunna. Ils veulent essayer de faire des rapprochements entre les deux. Le cheikh il dit Rafida alladhina yattahimuna al-aminain Jibril wa Muhammad alayhim as-salam bil khiyana wa yasubuna Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma wa yasammuna wa يسمون بأسماء أبي بكر وعمر كلابهم وحميرهم بل يصغرونها فيقول أحدهم لكلبه بكير ولحماره عمير والعياذ بالله ويسبون سائر الصحابة ما عدا عدد قليل مع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكل الصحابة أخرجوهم من الإسلام إلا ما نذر. Donc le cheikh il explique ensuite que les rafidah, ceux que ces gens-là essaient de faire des rapprochements avec eux, hein, ces rafidah ils accusent les deux véridiques, les deux fiables parmi les messagers Jibril alayhi salam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils les accusent de trahison et de traîtrise. Et ils insultent Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma. Ils appellent Abu Bakr, ils appellent leurs chiens et leurs ânes par les noms de Abu Bakr et Omar. Et ils les diminuent en disant, un d'entre eux par exemple, il appelle son chien Bukair pour Abu Bakr, pour désigner Abu Bakr. Et il appelle son âne Omer pour désigner Omar ibn Khattab, wal'iyadu billah. Et ils insultent le reste des Sahaba, excepté un petit nombre, parmi eux Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et d'autres, un petit nombre, 5 ou 6 parmi les Sahaba, hein, qu'ils n'insultent pas le reste. Ils les insultent tous et ils les ont tous fait sortir de l'islam, excepté un petit nombre. وَاتَّهَمُوهُمْ بِمَا يَسْتَحِي min zikrihi as-suqa. Et il les accuse de choses que même les gens de la rue auraient honte de mentionner. وما ذلك يزعمون ان التقارب معهم صلاح واصلاح وهكذا اذا انكر اهل السنه على اصحاب الدعوات المبتدعه من اخوانيه وسروريه وقطبيه وغيرهم اذا انكر عليهم اهل السنه البدع التي يدعون اليها وانكروا عليهم تساهلهم وأنكروا عليهم تساهلهم في الشرك وعدم إنكاره وزهدهم في التوحيد وعدم العناية به قالوا هذا تفريق وإفساد في الأرض ولقد قال إخوانهم المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وهذا قول باطل وزعم كاذب فمتى كان هؤلاء دعاة إصلاح وإنما هم دعاة فساد فمن يزعم بأن الاتفاق مع هؤلاء إصلاح وجمع للكلمة فهو كاذب مبطل يريد الترويج للباطل ونبذ الحق ويريدون من أهل السنة أن يقبلوا البدع وأن يتركوا الدعوة إلى التوحيد وهذا هو الفساد والضلال وإنا لله وإنا إليه راجعون. Donc le cheikh il dit, et malgré tout il pense que de faire ce genre de rapprochement avec eux, il y a du bien dedans et qu'il y a de la réforme dedans. Hein? Et le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que donc il pense que c'est du bien et il pense qu'il y a de la réforme là-dedans, et bien entendu c'est totalement faux et c'est le contraire puisque c'est du désordre. Et il dit c'est ainsi également que lorsque les gens de Ahl-Sunna réfutent les gens qui ont des une da'wa de bid'a parmi les groupes de ikhwan, al-ikhwaniya, ou bien les groupes de sururiya, ou bien les groupes de qutbiya, ou d'autres également parmi ces groupes, lorsqu'on les réfute, et lorsqu'on leur répond, et lorsqu'on mentionne leurs égarements, hein, lorsque les gens de Ahl-Sunna réfutent les bid'a que ces gens-là possèdent, alors, lorsqu'on mentionne à quel point ils négligent qu'ils prennent le shirk à la légère. Lorsqu'on mentionne comment ils ne dénoncent pas le shirk et comment ils ne condamnent pas le shirk et comment ils s'écartent du tawhid et qu'ils mettent le tawhid dans la marge comme si c'était pas quelque chose d'important et comment ils ne donnent aucune préoccupation au tawhid, ils disent, ça c'est de la division, vous divisez les musulmans quand vous dites ça, faut pas dire ça. Hein, ils disent aux gens de la sunna, vous divisez les musulmans. Ils disent, vous faites du désordre sur la terre. Et lorsque, ils disent ça, ils disent comme ce que leurs frères parmi les hypocrites, les munafiqoun, ont dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, et d'autres également comme lui parmi les munafiqin. Et lorsque on leur dit ne faites pas du désordre, ne faites pas du désordre sur la terre, ils disent nous ne sommes que des réformateurs. Et ça c'est une parole fausse de leur part et c'est une fausse prétention. Hein? Depuis quand ces gens-là qui appellent à la bid'a et à l'égarement sont devenus des réformateurs? Et depuis quand ces gens-là sont devenus des gens qui appellent à la réforme? Hein? Ce ne sont en réalité que des gens qui appellent au désordre. Et donc, celui qui pense qu'en faisant des accords avec ceux-là, cela va amener de la réforme et que ça va réunir la parole des musulmans, alors celui-là, il a menti. Hein? C'est un menteur et c'est quelqu'un qui appelle à la fausseté et qui veut propager le mensonge et la fausseté et repousser la vérité. Et ils veulent de la part des gens de la sunna qu'ils acceptent la bid'a et les différentes bid'a et qu'ils abandonnent l'appel au tawhid. Et ça, c'est le désordre et la corruption et l'égarement en soi. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نعم. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh, il dit: وَقَالَ تَعَلَى وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ بِلَادَنَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةِ السَّعُودِيَّةِ. تنعم باجتماع الكلمة ووحدة الصف، فلما دخل إليها هؤلاء المخربون خربوا علينا أولادنا وفرقوا صفنا وأفسدوا جمعنا وخالفوا بين كلمتنا، فالفساد إنما جاء منهم، وبهم دخل إلينا وبسببهم تفرقت كلمتنا. يستعملون السرية ويهدفون إلى السياسة ويتظاهرون بالصلاح والإصلاح وحفظ القرآن والدعوة إلى التعبد والعناية بالفضائل وترك العقائد، وهذا هو الفساد بعينه. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيا أهل السنة، ألزموا السنة واحذروا من هؤلاء أن يخربوا أكثر مما قد خربوا ويفسدوا أعظم مما أفسدوا، والله لئن تساهلتم بهذا الأمر ليوشكن أن تنالكم العقوبة. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Donc le cheikh, il explique, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: et ne faites pas le désordre sur la terre après que elle a été réformée, et invoquez-le par crainte et par amour, et la miséricorde, et la miséricorde d'Allah est proche des gens qui font le bien. Donc il dit, notre pays, en parlant de l'Arabie Saoudite, le royaume de l'Arabie Saoudite, il dit: par la grâce d'Allah, elle est dans la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, du fait que sa parole, elle est réunie, ses rangs sont unifiés. Mais lorsque ces groupes de bid'a et de hizbiya sont rentrés chez nous, hein, et que ces corrupteurs et ces destructeurs sont rentrés, ils ont essayé de corrompre et de détruire nos enfants et de diviser nos rangs, et ils ont corrompu et fait du désordre, ils ont corrompu notre unité et ils ont fait diverger notre parole. Alors la corruption et le désordre est venu de leur part, hein, et c'est par cela que le désordre est rentré, et c'est à cause de cela que notre parole a été divisée. Ils utilisent les groupes de secrets, les groupes secrets, pour essayer de s'infiltrer et de faire des divisions entre les gens. Et ils ont pour objectif la politique. Ils se donnent une apparence de, ils se donnent une apparence de bonté et de réforme. Ils mémorisent le Coran, ils invitent les gens à l'adoration, et ils ont un intérêt pour les choses méritoires et les vertus, et l'abandon de la croyance et des croyances. Et ça, c'est la corruption en soi. Parce qu'ils se donnent toutes ces images-là, c'est pour quelle raison? C'est pour attirer les gens et pour faire croire aux gens qu'ils sont sur le bien, puis après ils les éloignent de la aqida et de la croyance. Et ça, c'est le désordre en soi. Le cheikh, il mentionne ensuite le verset. Est-ce que c'est le jugement de la jahiliya qu'il recherche? Et qui est meilleur en jugement? Et qui est meilleur qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, en jugement pour des gens qui sont convaincus et qui ont la certitude? Alors, oh vous, les gens de la sunna, prenez garde à ceux-là pour qu'ils ne détruisent pas plus que ce qu'ils ont déjà détruit. Prenez garde pour qu'ils ne corrompent pas plus que qu'est-ce qu'ils ont déjà corrompu. Parce que, je jure par Allah, que si vous prenez ces gens-là à la légère et que vous êtes négligents dans cette affaire, hein, je crains que le châtiment soit proche. Et ensuite, il a rapporté, c'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a rapporté le hadith d'Abdullah ibn Omar, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce que sa passion soit en accord avec ce que j'ai amené ou ce avec quoi je suis venu. Aqul inna ma'na qawlahu inna ma'na qawlihi la yu'minu ahadukum ay la yablughu ahadukum kamal al-iman hatta yakuna hawahu taba'an lima ja'a bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق صافيا ناصعا انظر إلى أحكامه هل تجد فيها شيئا تنكره العقول السليمة لا والله بل كل ما فيه تؤيده العقول السليمة فإنه عين الحق ومحض الحكمة مع أنه حق قائم بنفسه لا يحتاج إلى شاهد لأنه شرع الله المنزل ودينه المكمل والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأي حكم تجده فيه فاعلم أنه عين الحكمة ولب العدل وغاية الصلاح والإصلاح يعلم ذلك من يتأمل أحكام الله التي حملها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. Donc, le cheikh, il dit, je dis que la signification de sa parole, lorsqu'il dit, nul d'entre vous n'est croyant, c'est-à-dire, nul d'entre vous n'atteindra la perfection dans sa foi jusqu'à ce que sa passion soit en accord avec ce avec quoi je suis venu, ou ce avec quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la vérité pure. Regardez ces règles, regardez les règles qu'il a ramenées. Est-ce que vous en trouvez, est-ce que vous trouvez dans ces règles quelque chose que la raison qui est saine rejette? Non, par Allah, je jure que vous n'en trouvez pas. Il dit, tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené, eh bien, la raison qui est saine le supporte et le défend. Parce que c'est la vérité en soi, c'est la vérité même, et c'est la pure sagesse. Malgré que c'est une vérité qui se tient par elle-même, elle n'a pas besoin de témoins pour témoigner qu'elle est véridique. Hein? Mais c'est juste pour montrer, donner un exemple, pour dire qu'il n'y a rien dans la raison qui est saine qui rejette quoi que ce soit de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené. Parce que c'est la législation d'Allah qui a été révélée et sa religion qui a été complétée, comme Allah il dit dans le verset 3 dans Sourate Al-Ma'ida. Il dit, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé comme religion pour vous l'islam. Alors, peu importe le jugement que tu trouves dans ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené, sache que c'est la sagesse elle-même. Sache que c'est le cœur de la justice. Sache que c'est la limite de la bonté et de la réforme et du bien. Hein? Et toute personne qui médite sur les règles d'Allah et qui les observe et qui réfléchit sur ces règles, eh bien, il va arriver à cette conclusion. Et donc, n'importe qui réfléchit sur les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a ramené dans le livre et dans la sunna, eh bien, il va savoir que c'est la justice, la sagesse et le bien. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté selon l'imam Ibn Majah dans le chapitre Ittiba' Sunnat al-Khulafa al-Rashidin, Cheikh Al-Albani l'a authentifié ce hadith dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, le hadith 937. Je vous ai laissé sur la voie éclatante. Sa nuit et son jour sont pareils, c'est-à-dire ils sont éclatantes et claires. La voie elle est claire, nuit comme jour. Et nul ne s'en écarte après moi, excepté celui qui périt. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأثر عن الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنه يأخذ الرشوة فاتفقا أن يأتيا كاهنا من جهينة في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية والمقصود به المنافق وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف إلى آخر القصة وهذه القصة التي قبلها والتي قبلها يؤخذ منهما. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il mentionne ensuite que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a rapporté la parole de l'imam al-Sha'bi au sujet de la signification de ou bien de la cause de la révélation du verset 60 à 62 dans Sourate An-Nisa, que entre deux hommes il y avait une dispute, un munafiq et un juif. Alors le juif a dit, nous allons retourner au jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit le prophète, il a dit Mohammed, parce qu'il ne croit pas en Mohammed. Sauf qu'il sait qu'il ne prend pas de pot de vin. Il sait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un homme honnête et qui ne prend pas de pot de vin. Il n'accepte pas de se faire corrompre. Et l'hypocrite a dit non, on retourne vers un juif. Parce qu'il sait que le juif prend des pots de vin. Il accepte de se laisser corrompre. Alors, ils se sont tous les deux mis d'accord d'aller voir un sorcier, un voyant de la tribu de Juhayna, pour aller retourner vers lui pour chercher le jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc fait descendre le verset à ce sujet, le verset 60, dans Surat An-Nisa, au sujet de cet hypocrite. Et il y a l'autre parole qui est mentionné, qu'on a mentionné à la fin du dernier cours, qu'on a mentionné au début aujourd'hui. On a mentionné que cette parole, elle est celle qu'on va mentionner maintenant, elle est fabriquée, elle n'est pas authentique. C'est-à-dire que ce verset serait descendu à propos de deux hommes qui s'étaient disputés et l'un d'entre eux a dit, on ramène l'affaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que l'autre a dit on la ramène à Ka'b ibn al-Ashraf. Et jusqu'à la fin de cette histoire qu'on a mentionné déjà. Donc le cheikh il dit voici ce qu'on peut tirer de ces histoires, de ces deux histoires. Premièrement, le cheikh il dit anna man radda hukman min ahkam rasulillah sallallahu alayhi wa sallam karihan lahu محبا لغيره فإنه كفر ولو كان في مسألة واحدة. وهذا ما حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتل ذلك المنافق لأنه كره حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى به وأحب حكم كعب بن الأشرف. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces histoires? C'est que premièrement, celui qui rejette un des jugements parmi les jugements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il déteste ce jugement et parce qu'il aime autre que son jugement, alors dans ce cas-là, il est mécréant, il a mécru, il a rejeté la foi, même si c'est dans une seule affaire, une seule question. Et c'est ce qui a poussé Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu à tuer cet hypocrite, parce qu'il a détesté le jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il n'en a pas été satisfait, et il a aimé le jugement de Ka'b ibn al-Ashraf. Et il dit ensuite: wa min huna aydan na'khudhu anna man istabdala shar' Allah bil qawaneen mu'taqidan anna al qawaneen ahsan fi nazarihi فإنه قد كفر وخرج من الإسلام بسبب ذلك. ولكن إن حكم بحكم غيره لسبب من الأسباب مع علمه بأن حكم الله هو الحق، فإنه حينما يقدم غيره والحال هذه يعتبر عاصيا وفاسقا، لأنه حينئذ يكون قد أتى حراما ولم يخرج من الإسلام. وهذا هو القول الفصل في المسألة فيما أظن وأعتقد. Donc le cheikh il a dit, et également on peut prendre de cette histoire que celui qui a échangé la charia d'Allah par d'autres lois en croyant que ces lois-là sont meilleures à son point de vue, hein, selon lui, alors celui-là, il a rejeté la foi et il est sorti de l'islam. C'est-à-dire que il échange les lois d'Allah, de la charia, pour des lois fabriquées, inventées, hein, des lois faites par les hommes. Et il croit que ces lois faites par les hommes sont meilleures que la loi d'Allah. Alors celui-là, il a mécru, faqad kafar, hein, et il est sorti de l'islam. Et à cause de cela, hein, kharaja min al-islam bisabab dhalik, il est sorti de l'islam à cause de cela. Toutefois, s'il a jugé par autre que la sharia d'Allah pour une cause parmi les causes, tout en sachant que le jugement d'Allah c'est la vérité, alors dans ce cas-là, hein, lorsqu'il a mis de l'avant autre que le jugement d'Allah dans cette condition-là, c'est-à-dire il sait que c'est la vérité, mais il a placé un autre jugement devant le jugement d'Allah, dans ce cas-là, il est considéré comme étant un pécheur, comme étant quelqu'un qui a commis un péché, hein, parce qu'il a fait quelque chose qui est haram, mais il ne sort pas de l'islam. Et ça, c'est la parole tranchante à ce sujet-là, dans ce que je pense et ce que je crois. Donc ça, c'est la fin de cette explication du Cheikh Ahmed al-Najmi à ce sujet. Et j'ai aimé beaucoup la clarification des certains points que le Cheikh a mentionnés, puisqu'il a ajouté des points en ce qui concerne les exemples des Hizbiyin à notre époque, et il a clarifié les détails au sujet des distinctions entre celui qui juge par autre que la loi d'Allah dans ce qui fait sortir de la dans ce qui fait sortir de l'islam et dans ce qui ne fait pas sortir de l'islam. Ça, c'est très important. Et les ulama, souvent, ils divisent les gens dans ces questions-là en catégories, hein. Ils mentionnent que il y a par exemple celui qui croit que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala elle n'est pas valable à notre époque et qu'elle n'est pas applicable à notre époque. Le Coran et la Sunna, pour eux, c'est pas valable à notre époque. Ça, c'est des lois pour l'époque des chameaux et des ânes, quand les gens étaient dans le désert. Ça ne s'applique plus aujourd'hui à l'époque moderne. Donc ça, c'est des koufars qui ont quitté l'islam. Celui qui pense ça, il n'est pas musulman. Même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il dit la ilaha illallah, même s'il fait le hajj, même s'il donne la zakat, il n'est pas musulman. Parce qu'il a, il a cru que la sharia d'Allah n'est pas valable aujourd'hui. Il n'est pas applicable à toutes les époques. Ça, c'est kufr. Une autre personne, elle pense par exemple que la charia, les lois faites par l'homme sont meilleures que la charia, sont supérieures à la charia. Donc les lois faites par les kuffars ou par les munafiqin, ils pensent que ces lois-là, elles sont meilleures que les lois d'Allah dans le Coran et dans la Sunna. Celui qui pense ça, il est kafir. Parce qu'il a mis les lois des hommes au-dessus de la loi d'Allah. Donc il n'est pas musulman. Même s'il prie 5 fois par jour, même s'il jeûne le Ramadan, même s'il fait le Hajj, même s'il paie la zakat, même s'il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, 2000 fois par jour, il n'est pas musulman. Parce qu'il a mis les lois des hommes au-dessus de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il donne l'exemple d'un homme. Il dit pas que les lois des hommes sont supérieures aux lois d'Allah, mais ils disent que les lois des hommes sont équivalentes aux lois d'Allah, égales. En voulant dire que pour eux, de juger par les lois des hommes et de juger par les lois d'Allah, c'est pareil. C'est la même chose. Tu peux faire ça ou faire ça. Les ulama ont dit que ceux-là sont des koufars qui ont quitté l'islam parce qu'ils ont mis les lois des hommes à égalité avec la loi d'Allah. Même s'ils prient 5 fois par jour, même s'ils jeûnent, même s'ils disent la ilaha illallah, même s'ils font le hajj, même s'ils donnent la zakat, même si la femme qui dit ça, elle porte le hijab et elle prie, elle jeûne, elle fait le hajj, si elle croit que les lois des hommes et les lois d'Allah sont équivalentes, alors les gens qui pensent ça sont des kuffars qui ont quitté la religion de l'islam. Et les ulama, ils mentionnent également comme catégorie la personne qui elle dit pas que les lois des hommes sont au-dessus des lois d'Allah. Et elle ne dit pas non plus qu'elles sont équivalentes, mais elle dit que c'est permis de juger par les lois qui sont fabriquées par les hommes et qu'on a le droit de juger par autre que la loi d'Allah. Donc elle rend halal le fait de juger par les lois des hommes. Et en faisant ça, elle rend halal ce qui est haram. Et toute personne qui rend halal ce qui est haram avec connaissance, alors il devient kafir, il quitte l'islam. Même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il fait le hajj, même s'il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il n'est pas musulman. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et puis ensuite, les ulama, ils mentionnent aussi la personne qui déteste les lois d'Allah. La personne qui déteste les lois d'Allah et qui déteste ce qui vient d'Allah, ils disent que cette personne-là, elle est kafira parce qu'elle déteste ce qui vient d'Allah. Comme on l'a mentionné tout à l'heure dans les paroles de Cheikh Ahmed al-Najmi. Et ça fait partie des nawaqid al-Islam que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné, qui sont bien connus. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. C'est parce qu'ils ont détesté qu'est-ce que Allah a révélé, alors Allah a annulé leurs œuvres, a rendu leurs œuvres vaines. Donc ça, c'est une preuve que celui qui déteste la révélation d'Allah ou la sunnah n'est pas musulman. ou bien quelqu'un qui se moque de la loi d'Allah et qui fait des blagues sur la religion d'Allah, qui se moque de ce que les croyants pratiquent comme pratiques religieuses qui font partie de l'islam. Donc c'est la même chose, celui qui se moque de l'islam et de la religion, il est kafir, il a quitté la religion de l'islam, même s'il pratique, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il fait le hajj, même s'il dit la ilaha illallah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Tawba, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Donc ça c'est clair à ce sujet. Et il y a aussi un autre cas que les ulama mentionnent, c'est la personne qui juge par autre que la loi d'Allah, mais il le fait par faiblesse de foi, en suivant sa passion, hein, ou bien pour un intérêt de la dunya, tout en reconnaissant que ce qu'il fait c'est haram et que c'est un péché, et que la charia d'Allah est meilleure que toute autre loi, et que il n'y a rien qui est équivalent à la loi d'Allah, et tout en reconnaissant que il commet un péché et qu'il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est haram de juger par une loi autre que l'islam, mais s'il le fait, hein, par sa passion ou par ses désirs, de cette façon, dans ce cas-là, il n'est pas kafir. Il n'a pas quitté l'islam. Mais il a commis un grand péché parmi les grands péchés. Hein? Et son kufr est un kufr mineur. Kufrun duna kufr. Comme les sahaba ont expliqué. Et comme les ulama ont clarifié. Donc c'est un kufr asghar qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc tout ça, c'est très important de le comprendre. Donc, Inch'Allah, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Puis, le cours prochain, on expliquera la suite du Sharh de Kitab al-Tawhid dans les paroles du Cheikh, l'explication du Cheikh al-Fawzan dans le résumé. Et on va commencer le chapitre Man jahada shay'an min al-asma'i was-sifat. C'est-à-dire, quiconque renie quelque chose des noms et des attributs. Donc ça c'est le chapitre qu'on va étudier dimanche prochain inshallah. D'ici là, on va se retrouver durant la semaine pour lire les fatwas ensemble du Cheikh Al-Fawzan inshallah. Et il y a peut-être possibilité qu'on lise aussi d'autres fatwas, des fatwas des ulama au sujet de cette kutub. Parce qu'on a remarqué qu'il y a des gens qui, de ces temps-ci, font la propagation de certaines paroles des ulama, de certains ulama, pour essayer de faire l'éloge de Sayyid Qutb. Donc nous, on va clarifier la situation à ce sujet-là, et la parole des ulama à ce sujet avec les preuves, qu'est-ce qu'ils ont clarifié, qu'est-ce qu'ils ont mentionné. Et c'est tiré d'un livre Bara'at ulama al-umma min taskiyat ahli al-bid'ati wal-mazamma. C'est-à-dire l'innocence des ulama de la umma du fait qu'ils sont innocents de donner des taskiyat aux gens de bid'ah et aux gens blâmés. Donc on va lire ce livre-là peut-être ensemble inshallah durant la lecture de nos fatwas sur le manhaj du Cheikh Al-Fawzan, lorsqu'on va finir peut-être le chapitre qu'on est en train de lire. Donc ça se peut que ce soit la semaine prochaine inshallah qu'on lise ce livre là ensemble. Donc on va s'arrêter ici inshallah. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين.